déjà pour le samedi, je lance. La fenêtre, les trucs à ma La croix, ma femme est pleine de tricard, maman.